Nous sommes tous morts. Texte de Jean-Luc Coudray. Illustration Lewis Trondheim. Aux éditions L'Association, dans la collection Pattes de mouche. Bonjour, ça va? Non. Pourquoi? J'ai peur de mourir. Absurde. Vivre est un pari que vous gagnez chaque seconde, c'est-à-dire 86 400 fois par jour durant environ 29 200 jours, alors que vous ne le perdez qu'une fois. Mais ce n'est pas tout, réfléchissez. Si on considère l'éternité comme éternelle et la durée de votre vie comme étant de 80 ans, et que l'on compare les deux, oui, la probabilité que vous soyez justement dans la tranche de temps où vous êtes vivant et nul. Or, vous y êtes. De la même manière, il y a infiniment plus de morts que de vivants, si on compte les morts depuis l'aube des temps. La probabilité d'être parmi les vivants est donc négligeable. Or, vous y êtes. En fait, il est impossible d'être mort. Mais enfin, les morts sont bien morts. Oui. Mais ce sont toujours les autres. Or, être un autre n'arrive qu'aux autres. Mais enfin, la mort est une certitude. Ce n'est donc pas un événement. Je vais perdre ma vie. Parce que vous considérez la vie comme un tout. Mais si vous vivez au jour le jour, la mort ne vous enlèvera qu'un jour. Cependant, je ne serai plus vivant. Votre moi non plus. La vie pour le moi ou la non-vie pour le non-moi? Quelle différence? Mais parce que je risque de mourir, je suis un être vulnérable. Bien au contraire. Si vous étiez immortel, le calcul des probabilités révèle qu'après des milliards d'années de conduite automobile, vous seriez forcément accidenté, donc invalide, borgne, manchot ou cul de jatte. Alors que la mort vous permet de garder vos chances de rester sain et sauf. Mais la mort nous fait perdre des êtres chers. C'est la mort qui donne leur prix aux êtres chers. Après ma mort, tout s'arrête. Non, il reste les autres. Mais les autres ne sont pas moi. Uniquement parce que vous êtes en vie. Comment ça? Pour ne pas être un autre, il faut bien être un individu vivant qui s'en distingue. Quand vous serez mort, plus rien ne vous distinguera des autres en vie. Ce qui m'angoisse, c'est que la philosophie n'est arrivée à rien. Faux. Simplement, quand la philosophie arrive à quelque chose, elle perd son nom. Comment ça? Quand elle réussit, on l'appelle mathématique, science de la nature, psychanalyse. Oui, mais quand elle n'arrive à rien, elle perd aussi son nom. On l'appelle astrologie, alchimie, numérologie, cartomancie, psychomorphologie, etc. De toute façon, la mort est une chose stérile. Absurdité. Vous étiez mort avant de naître et ça ne vous a pas empêché de naître. Mais enfin, la mort avant ma vie n'est pas la même que la mort après ma vie. Stupidité. Le temps étant lié à la vie, la mort est hors du temps. Aucun repère ne peut donc distinguer la mort avant votre vie de votre mort après votre vie. De toute façon, la mort étant hors du temps, votre mort n'est pas dans l'avenir, mais maintenant. En réalité, nous sommes tous morts, mais c'est camouflé par la vie.